L'actualité à Nancy et ailleurs. En ce mois d'octobre, coup de projecteur sur le théâtre Gérard-Philippe de Frouard, sur son actualité bien entendu, mais également sur ce qu'on peut y vivre. Lise Augustin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication du théâtre Gérard-Philippe. Le théâtre Gérard-Philippe qui existe depuis plus de 45 ans maintenant, pouvez-vous nous présenter ce lieu ? C'est un théâtre, c'est une scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées. On accueille beaucoup de spectacles qui ont des formes animées ou des marionnettes, mais pas que. À savoir aussi que la marionnette, c'est pas cette image un peu vieillotte qu'on a, des marionnettes à fil ou des marionnettes à gaines. Il y a énormément de diversité dans la marionnette. Et voilà, c'est un lieu qui est convivial, ouvert à tous, qu'on veut vraiment ouvert à tous. On a des spectacles autant pour le jeune public que pour le tout public. Comme je disais, de la marionnette, mais pas que. On a aussi du théâtre, de la danse, un peu pour tous les goûts. Chacun peut y trouver son bonheur. Le TGP, on le connaît aussi à travers ces festivals. Il y a le festival Géocondé qui oui. existe, qui aura lieu dans 2 ans maintenant. Pas cette saison-ci, effectivement, mais la saison prochaine, puisqu'il a lieu tous les 2 ans et qu'il a eu lieu la saison passée. Donc, ça sera pour 2019 le prochain. Ça, c'est la biennale de la marionnette. Donc, c'est concentré sur 2 semaines, énormément de spectacles, mais aussi de rencontres pour les professionnels, de rencontres avec le public, de bande essai sur la marionnette avec des artistes qui viennent de toute l'Europe généralement. Un mot maintenant sur cette nouvelle saison qui débute. Est-ce qu'il va y avoir des temps forts cette année avant de parler des prochains spectacles ? Oui, tout à fait. On a un projet qui est le défilé de mode qu'on met en place chaque année. Mmh. Et donc ça, on prend une compagnie à qui on confie la mise en scène d'un défilé. Et ce sont des personnes qui sont généralement en réinsertion professionnelle qui vont être les mannequins, les acteurs de ce défilé. Et on fêtera les 10 ans cette année de ce défilé de mode. Donc ça sera déjà un beau temps fort début mars. Et suivra également une semaine dédiée au théâtre d'argile. Donc le théâtre d'argile, c'est de la manipulation d'argile, de terre, en live. Et donc on a une semaine entière dédiée au théâtre d'argile avec 3 spectacles qui auront lieu au TGP sur ce thème. Alors ça, c'était pour un coup d'œil général sur ce qui va se passer cette saison dans les temps forts. On peut maintenant s'intéresser tout de suite aux prochaines dates. Voilà, ce sera le 12 octobre. Voilà, le 12 et 13 octobre, jeudi et vendredi prochain, à 20h, nous accueillons La Passée. C'est du théâtre musical, c'est-à-dire que c'est du théâtre et il y aura en même temps de la musique jouée sur scène en live durant tout le spectacle. Donc La Passée, c'est l'histoire de Mathis qui vit avec sa sœur Aigue. Les parents ne sont plus là, ils vivent seuls depuis longtemps. C'est Aigue, donc la sœur, qui les fait vivre car Mathis, lui, ne peut pas travailler. C'est pas forcément simple pour Aigue qui est attaché à son frère et qui essaye de trouver un sens à sa vie, de trouver sa place. Rien non plus n'est simple pour Mathis puisqu'il ne comprend pas forcément les autres, ce qu'ils veulent. Il essaye de regarder les filles, de travailler, c'est un peu compliqué. Il va avec ce désir constant, présent de changer, de réussir à changer et d'être comme les autres. Donc c'est une histoire finalement sur la norme, sur la différence. C'est un spectacle très émouvant, très poétique, qui est très accessible également. Il est à partir de, il me semble, 14 ans, on l'a mis, mais c'est très accessible. Donc, c'est 2 compagnies qui se sont associées, on va dire, pour ce spectacle. Ouais. Donc, c'est la compagnie Tout va bien, qui est nancéenne, et la compagnie L'Oiseau-Mouche, qui vient de Roubaix. La particularité de la compagnie L'Oiseau-Mouche, c'est que c'est une troupe de comédiens professionnels qui ont un handicap mental. Et donc, cette question de normes et différences ne pouvait être mieux interprétée que par cette compagnie. Et au final, on se rend compte qu'on oublie totalement ces différences sur scène. C'est ça qui est beau, c'est qu'ils parlent de normes, ils parlent de différences avec leurs différences à eux et on l'oublie totalement. C'est un spectacle où les personnages, Aigue et Mathis, frère et sa sœur, sont interprétés tour à tour par les comédiens de la compagnie Tout va bien et de la compagnie L'Oiseau-Mouche. Mais c'est très compréhensible, ça se fait vraiment de manière très fluide. Il y a plein de Mathis et plein de Aigue, mais c'est très beau, c'est vraiment un champ de pureté pour modifier ce regard qu'on a sur les autres et sur la vie, sur la différence. Voilà, La Passée, donc c'est jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 20h au Théâtre Gérard-Philippe à Frouard. Les tarifs aussi sont accessibles? Oui, tout à fait. Alors, on a un tarif à 14€ qui est le tarif normal. Ensuite, un tarif réduit à 12€ si vous êtes abonné à d'autres structures. Tous les tarifs sont retrouvables dans la plaquette. Et voilà, on a des tarifs de 2 à 14€. Vraiment, on essaye de s'arranger pour que tout le monde puisse venir au théâtre. Alors là, on était dans le théâtre musical. On peut peut-être donner un mot sur le deuxième spectacle du mois d'octobre. Oui. Whispers. Whispers, alors là, ça sera de la danse et des marionnettes. Donc Whispers, il est dans le cadre de la Biennale de la danse Grand Est, donc le festival Expédition. C'est la compagnie Mousson Beauté de Belgique. Et là, ça va être un spectacle sur le passé, sur les aïeux, sur comment ces fantômes du passé interagissent avec nous. Donc c'est en même temps de la danse et de la marionnette, c'est sans parole, ça va être vraiment plus sur le ressenti. Un très beau spectacle également, qui sera précédé d'un lever de rideau. Donc au TGP, nous avons des levées de rideau, oui. C'est-à-dire une petite forme, un petit spectacle qui a lieu avant et après la représentation en galerie. Et donc voilà, vous pouvez venir un petit peu en avance et voir un lever de rideau. Protocole physique fragment d'Adèle Coutil et Félix Belloni. Le spectacle marionnette, ce n'est pas que pour les enfants, parce que ce spectacle est à partir de 16 ans. Oui. Non, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire les marionnettes, voilà, oui. On a plus l'image du guignol ou alors des marionnettes à fil. Voilà, la marionnette, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a des spectacles dans la programmation cette année qui seront vraiment dédiés au jeune public et vraiment pour les petits, voire même tout petits. Exactement de la même manière, des spectacles marionnettes qui seront pour le tout public et voire plus pour à destination des adultes. Pour assister à ces spectacles, est-ce qu'il faut réserver obligatoirement ? Alors, il vaut mieux, oui. C'est préférable. C'est préférable. Vous pouvez appeler directement au TGP au 03 83 49 29 34 ou réserver sur notre site internet. Il est en train d'être mis à jour. Et voilà, mais en appelant ou envoyant un mail à tgp@tgpfrouard.fr, voilà, très simplement en mentionnant le nom du spectacle que vous souhaitez venir voir. Et puis, on vous rappellera, on prendra contact avec vous pour la réservation. Très bien. Un dernier mot peut-être pour parler encore, revenir sur ce qui se vit au TGP. Oui. Vous appuyez aussi sur des bénévoles ? Oui, tout à fait. Voilà, comme je le disais, on aimerait vraiment que ce lieu soit convivial et qu'on ait un vrai échange avec le public. On veut qu'il soit ouvert, ce lieu. Mmh. Et donc, on accueille des bénévoles chaque année qui nous aident, alors autant sur les spectacles en tant qu'ouvreurs pour placer les gens, etc. Autant dans d'autres missions, que ce soit pour, voilà, quand une compagnie est en résidence, qu'elle va présenter un banc d'essai pour avoir un regard, un échange avec des premiers spectateurs par exemple, également faire des voilà plein de missions avec des bénévoles. Donc c'est ouvert à tous, dès que vous avez 16 ans vous pouvez venir et être bénévole au TGP, signalez-vous et puis on vous expliquera les missions. Voilà, plein de choses à vivre donc au théâtre Gérard Philippe de Frouard, c'est avenue de la Libération. Tout à fait. Voilà, c'est important de c'est derrière la mairie. Derrière la mairie, c'est que des fois c'est les gens ont du mal à le trouver, mais c'est juste derrière la mairie. Merci Lise Augustin. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.